C'est qu'il n'y avait pas de fête. Alors ma mère elle achetait la dope, elle faisait la dope. Alors là, et des fois, alors, on faisait la collante avec la dope. Vous savez quoi, la collante, on la faisait avec le poireau. Et elle est bonne, hein. C'est comment ça avec le poireau? Eh bien, le poireau, vous prenez les poireaux, vous les lavez, puis vous les coupez en petits, et puis vous les faites revenir à la poêle, vous les faites bien cuire. Alors, là, ça, vous mettez l'huile, sel, poivre, qu'ils soient un peu bien poivrés, puis vous les faites cuire avec votre couvert dessus, à l'étouffer, vous savez, alors le poireau se fait bien. Puis vous faites la collante. Et puis vous mettez du bon fromage. Nous, on avait des vaches, on avait de cet homme, vous savez, le fromage, c'était bon. Et puis cette, on arrosait tout ce poireau-là, cette sauce-là, que c'est bon. Vous voyez les planches à tourte, qu'elles sont rondes. Oui. Alors on prenait de la polaque, elle était cuite, on la prenait dessus, et puis on étalait toute la planche. Là. Et puis on se mettait tout cela autour, et vous savez, personne ne brochait, on mangeait. Et alors on mettait le fromage de partout, et puis tout bien du poireau de partout, bien étalé. Voilà, c'était bon. Ça, les gens en font encore maintenant, enfin, votre fille en a fait. Mais ça se fait plus, cette sauce de poireau. Ça se fait plus, non. Maintenant, ils veulent la dope ou la sauce, le sauce de tomate. Moi, avec la tomate, je n'aime pas. Mais avec le poireau, ça marche, oui. Mais vous n'en faites plus. Je fais la corante. Mais avec du poireau, vous n'en faites plus. Je vais la faire cette semaine. J'ai eu envie, ma fille m'a dit qu'est-ce que c'est bon. Et je l'ai faite l'autre jour, mais j'ai acheté de la crème de gorgonzola. Ah oui. Et puis j'ai mis dessus avec un peu de beurre. Bien sûr qu'elle était bonne. Hein.